On s'était dit rendez-vous dans 2 mois. Même jour, même heure, pas même président. On verra quand on aura voté si en 2 mois tout a changé. J'étais au Théâtre Antoine hier soir. Lynn, vous avez joué là-bas? Oui. Oui, vous avez joué Harold et Maude, l'histoire de la rencontre d'un jeune homme et d'une dame d'un certain âge. Oh, je vous vois venir. Oh, elle me voit venir. Et ben, il y avait le remake hier soir avec Emmanuel Macron et Bri-Bri dans les rôles, dans les rôles principaux. Un meeting d'Emmanuel Macron où je me suis rendu. Hein, beaucoup de monde d'ailleurs, plus de 900 000 personnes hein, sur l'échelle de Bruno Retailleau. Ça va, ma Bri-Bri, tu t'en sors? On m'en parle pas, putain, je suis débordé, c'est une véritable auberge espagnole. Bonsoir, je suis à la Madeleine, je peux rentrer? Tiens, qu'est-ce que je te disais, même l'ultra-gauche est là. Attendez, pardon, mais je crois que vous me confondez avec Patrick Braouzek, là. Ah, ça m'étonnerait, il est déjà à l'intérieur en train de boire des coups avec la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre est avec nous? La reine d'Angleterre ou Madame de Fontenay, j'en sais rien, je sais. Au rythme où vont les ralliements, on devrait bientôt avoir Rémi Bricard, Michel Thor et Popek. Bonsoir, excusez-moi de parler, j'ai apporté quelques confitures. Même Fillon? C'était une fois un châtelain au regard sombre et aux sourcils broussailleux. Il coulait des jours heureux dans son manoir de la Sarthe, aux côtés de son attachée parlementaire, Pénélope, une belle galloise au regard triste, tellement triste, mais qui chaque matin, après avoir ouvert le courrier, lui faisait une petite note orale, qui avait le don de le mettre de bonne humeur. De note orale en note orale, ce qui devait arriver arriva. Leur union finit par donner naissance à 2 adorables petits attachés parmentaires, ainsi qu'à 3 enfants non rémunérés. Présidentielle toujours, Nolan, le jeune homme qui avait giflé Manuel Valls, a annoncé sa candidature. Eh oui, après Benoît Hamon, ce sera donc le deuxième candidat à avoir mis une belle claque à Valls, qui va tenter sa chance. Vous remarquerez généralement, pour être humilié, t'as besoin d'un public, d'une audience, d'une situation extérieure à toi. Eh ben non, seulement parfois comme ça dans la vie, ton corps suffit à t'humilier en fait. Donc moi j'appelle ça le stade de surmerde. En gros, c'est comme si ton corps se dissociait de toi et qu'il te prenait pour un con. C'est un peu comme si au niveau de la conscience, il y avait le moi, le surmoi et puis la surmerde aussi. Alors comment je pourrais vous expliquer ça? Pour moi, il y a plusieurs situations dans lesquelles on retrouve ce concept de surmerde. Voilà, ce matin sur France Inter, je vais vous parler de football. Quoi? Oh là là. Et en revenant, tête reposée sur la merveilleuse. La fantastique soirée de mercredi. Non. Ah, ferme-la. Va de rétro, Satanas en Belgique. Meurs dans des douleurs inédites. La France, mon gars, tu l'aimes et t'es triste quand le PSG perd ou tu la quittes, misérable. Sois heureux qu'on n'ait pas foutu un rocher à la place de ton siège, sale migrant de la première génération. Oui, non, je sais, calmez-vous. Moi aussi, ça m'a fait un choc. Si j'étais supporter du PSG, j'aurais aussi envie de me jeter dans une porte-fenêtre. Mais en vérité, je vous le dis, cessez de pleurnicher sur le sort des joueurs parisiens, bande de souillons ethnocentrés. Parce que la remontée historique du Barça, c'est l'espoir. Les Espagnols ont bien joué. J'ai été fêter ça avec eux. C'était bien? Non, c'était génial. Ah, ça, l'Espagnol, c'est moche, mais ça a le sens de la fête. C'est quoi votre analyse du match d'hier? Très beau. Parlez du jeu? Non, des fessiers catalans. La France est un beau pays qui n'a pas de problème. On expire. Expiration. À part le dernier but de Barcelone dans la dernière minute des arrêts de jeu, tout va bien dans notre grande ville lumière. On expire, Thomas.